On met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas une veste de cachot qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêver d'un songe et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque.